troisième temps de notre série sur l'enseignement de l'histoire en France et en ce jour des archives dans la Fabrique de l'Histoire, le mercredi, reportage sur des archives photographiques du début du 20e, devenues support d'enseignement au début du 21e siècle. Découverte de manière fortuite au lycée Colbert à Paris par une enseignante d'histoire en 2013, un fonds d'environ 1700 clichés sur verre datant du début du XXe siècle et destiné à être projeté pour enseigner à l'aide de l'image à cette époque-là, a fait l'objet d'une réappropriation par les élèves de l'établissement ces temps-ci. Un travail collectif avec des chercheurs de l'EHNE, l'écrire une histoire nouvelle de l'Europe, est rapidement mis en œuvre d'ailleurs en vue d'un classement et de recherche sur le contenu de ces vues qui représentent l'Europe, la France dans toute sa diversité, et son empire colonial de l'époque, à la veille de la Première Guerre mondiale. L'histoire d'un fonds donc à la croisée de l'histoire de l'Europe, de la photographie, de l'éducation et des premières techniques audiovisuelles. C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui, un reportage de Séverine Yatar avec une prise de son d'Yvan Turc et une réalisation de Marie-Laure Ciboulet et les témoignages de Gabriel Nakmouchi, Olivier Véron, Klein Marlot-Plumosil et Laurence Giordano, qui est celle qui a découvert ces plaques de verre. En 2013, j'enseignais au lycée Colbert, au lycée, et il s'est trouvé que la proviseure à l'époque, Madame Bourri, avait décidé de faire des rangements dans le lycée. Et à un moment donné, elle me dit « Madame Giordano, venez me voir dans mon bureau, il y a des boîtes en bois, il y a des photos, des plaques à l'intérieur, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors effectivement, j'ouvre et je sors une plaque et je vois une photo de la NAM, donc à la fin du 19e siècle. Et puis j'ouvre une autre boîte, je vois une photo de Chicago. Je me dis pourquoi il y a ces photos ici. C'était deux petites boîtes en bois, très très jolies. Mais j'étais déjà assez surprise par cette découverte. Et je demande à la secrétaire, mais ces boîtes en bois, vous en avez déjà vu dans l'établissement? Elle me dit, je crois qu'il y en a dans le placard, dans le couloir, là. Elle me donne la clé du placard, j'ouvre le placard et là, une quarantaine de boîtes. Et puis, le placard était humide, des décatis, vieillot. Et donc, je me suis retrouvée d'un seul coup, un milieu d'après-midi, donc de mai 2013, assise par terre dans le couloir, avec autour de moi toutes ces boîtes et ces photos. Et un peu prise de stupeur, hein, c'est comme si j'avais découvert un petit trésor, hein, et je savais pas très bien quoi en faire parce que il y a ce moment où on fait une découverte et en même temps, les gens passaient dans le couloir, me disaient pourquoi tu as quatre pattes, regardez, j'ai ça, bon. Alors, c'est des petites plaques, hein, faut le dire. Juste 10 cm sur 10 cm, à peu près, c'est des... Comment on peut les décrire, Laurence Giordano? Oui, c'est pas tout à fait carré, c'est un peu rectangulaire, c'est ouais, 10 sur 7 ou 8. Ce sont des plaques de verre, des vues sur verre, avec des légendes. Pas toujours, mais certaines légendées. Puis, il y a en bas une petite étiquette où il y a écrit Projection Molteni, Radiguet et Massiot, Boulevard des Filles du Calvaire, Paris. Et puis de l'autre côté, là, par exemple, il y a une légende que je n'arrive pas à lire. Mais bon. C'était 1800 plaques de verre avec des panoramas de villes, des paysages ruraux, des espaces industriels, avec parfois des gens, des hommes, des femmes, des animaux aussi, qui avaient été photographiés, mais... Ils étaient presque par hasard sur la photo et ils regardaient tous l'objectif parce que j'imaginais que celui qui faisait la photo, puisqu'on voyait très vite que c'était des photos anciennes, des premières photographies, prenait du temps avec son appareil qui était forcément stable et voilà. Donc cette histoire a commencé de cette manière-là, il fallait faire quelque chose de toutes ces plaques. Alors, est-ce que vous avez idée, vous, au départ, Laurence Giordano, à quoi elle sert? Parce que vous nous avez cité, voilà, édition Radiguet et Massiot. Radiguet et Massiot. Non, au début, je n'avais idée de rien, mais j'ai pu, grâce en fait à des partenariats, à des rencontres soutenues par le lycée, et aussi parce que c'est des gens que je connaissais, pouvoir être avec... À ce moment-là, c'était le LABEX EHNE, Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, qui était à son début, il venait d'avoir ce budget pour écrire donc une histoire de l'Europe. Donc, on a pu conclure une sorte de partenariat entre le secondaire et le supérieur, les termes du partenariat étant... Vous allez nous aider à faire quelque chose de ces plaques et notamment imaginer un atelier éducatif avec le lycée et des élèves, avec des historiens qui viendraient pour aider les élèves dans leur recherche au cours de cet atelier. Et dans l'autre sens, si vous voulez, ce fonds allait pouvoir être numérisé par le LABEX, être utilisé comme fonds iconographique pour leur site internet. Et voilà, donc c'était, on a imaginé en fait comment organiser ça, et puis il y avait des bonnes volontés des deux côtés. Donc c'est comme ça que cette histoire a démarré, et aussi avec un investissement évidemment personnel, avec aussi d'autres professeurs du lycée, deux professeurs de lettres, un professeur d'anglais, un professeur de physique chimie et moi professeur d'histoire géo. On a imaginé un atelier pour faire travailler des élèves le mercredi après-midi, c'était un atelier facultatif. Et puis, voilà, ce fonds, en fait, on s'est assez vite rendu compte que c'était un matériel pédagogique qui datait donc fin 19e, début 20e siècle, et qui était en fait comme l'ancêtre de la diapositive, et qui était à l'époque extrêmement innovant, moderne, avec l'image comme instrument pédagogique. Les pigeons de Saint-Marc. La photo a été prise devant l'entrée principale de cette célèbre cathédrale de la place Saint-Marc. Au premier plan, une femme pose, entourée de pigeons. Elle est très élégante avec sa robe, son chapeau et ses gants. Sa posture lui donne fière allure. Au deuxième plan, on aperçoit un groupe d'hommes sortant de la cathédrale. Ils sont vêtus de costumes trois pièces de couleur sombre. Ils portent des panamas et des chapeaux melons. Eux aussi sont très élégants. Ils baissent la tête en raison de la forte lumière qui éclaire la scène. Ils ne semblent pas communiquer entre eux, ni remarquer la dame au milieu des pigeons. Enfin, l'entrée principale de la cathédrale se détache derrière eux et révèle la fresque de son tympan, entourée de fines colonnes et de bas-reliefs. La porte principale est grande ouverte, mais on ne peut distinguer ce qu'il se passe à l'intérieur. Ophélie Niadanu. Alors Gabriel Nagamushi, vous êtes un de ces élèves, oui, qui a travaillé justement lors de ces ateliers pédagogiques à partir de ce fonds. Alors quels souvenirs vous en avez? Alors ça date un peu, hein, à l'époque, c'était il y a... 3-4 ans ? 5 ans déjà. Bah, premièrement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que du coup, on avait un rapport à l'image qui était complètement différent de celui auquel on était habitué, dans le sens où on a toujours un rapport au livre éducatif, à ce genre d'image-là. On est arrivé sur un support qui était différent, c'est-à-dire un support qui avait une vraie valeur. Et déjà, ce simple fait, ça change complètement la vision dont on avait de ces photos-là, en fait. Et ça permet d'aborder d'une autre manière la recherche. Vous avez travaillé sur les originaux? Oui, on a travaillé sur des originaux. On travaillait en duo, d'ailleurs. J'étais en duo, moi, sur l'Empire ottoman. Et donc, on avait pris toutes les photos qui parlaient de cette zone-là, avec la Turquie. Et on a fait tout un travail de recherche à partir de ça. Et ce qui était très intéressant, c'est que moi, qui suis actuellement en études d'art, ça m'a permis d'avoir une première expérience avec une analyse d'image, pas seulement dans sa forme plastique, mais aussi une analyse d'image historienne et un rapport avec le travail de conservateur, qui est quelque chose qui est assez fondamental dans ce genre d'études. Et donc, vous avez reconstituer ce fonds, c'est-à-dire que vous disiez, vous avez travaillé sur plutôt la thématique, en tous les cas, l'espace géographique Empire ottoman. Ça veut dire aussi qu'ils étaient tout mélangés, elles étaient toutes mélangées, ces plaques photographiques, ou elles étaient déjà justement classées un petit non, peu. Non, elles n'étaient pas classées du tout. C'était bien ça le début. Il y a eu déjà un travail qui a été fait par les profs en amont, pour nous quand même, où on avait un choix, mais à partir de ça, il y a toute une sélection qui a été faite sur ces photos, en fait, où finalement, je pense, par duo, on en a sélectionné une petite quinzaine, je pense. En fait, oui, ouais. Vous en aviez 10 par duo. Et en fait, la particularité aussi de cet atelier, puisqu'il y avait un enjeu, c'est-à-dire qu'on était donc avec la recherche, l'enseignement supérieur, le LABEX, les élèves, mais il y avait tout à faire. Donc avec des historiens du LABEX, on a commencé à essayer de faire un inventaire des après-midi entières, avec un beau tableau Excel. Ensuite, on a décidé 4 thèmes qui allaient intéresser le LABEX et sur lesquels les élèves allaient travailler. Et les élèves, on les a laissés très, très actifs. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail aussi manuel. Tu te souviens, Gabriel? Ils transportaient les boîtes. On a acheté quand même des gants pour transporter les boîtes, manipuler les photos avec des gants, sélectionner les photos, choisir. En fait, tout le monde travaillait avec une espèce d'activité comme quand il y a quelque chose qui se crée et où il faut tout penser, faire. Tout faire, tout imaginer, en se demandant si on faisait vraiment bien aussi. Alors effectivement, jamais les élèves se retrouvaient avec comme ça des centaines de photos sur plaques assez précieuses, mais tout le monde manipulait ces objets. Et ils ont, je pense qu'il a raison, il s'est bien rendu compte comment on passait de quelque chose qui était découvert à un objet qui allait devenir un objet d'archive. Oui, Gabriel, vous voulez ajouter quelque chose justement par rapport au fait que là, vous avez plutôt eu une expérience de chercheur, d'une certaine manière, et aussi de conservateur, d'archiviste, parce qu'il fallait, pour vous, classer, argumenter votre classement aussi, peut-être, décrypter ces photos, ces plaques. J'ai envie de dire aussi une découverte, finalement, d'histoire, mais dès que je dis histoire, c'est vraiment le sens... extrapolation de ce qu'on voit finalement où ça aussi vachement ces images-là elles font comme elle dit elles étaient censées faire voyager les gens qui la voyaient à l'époque et même maintenant dès qu'on les re-regarde moi j'imaginais des univers des choses que finalement on n'a pas ce rapport-là forcément dans le cadre lycéen de base dès qu'on voit des images en fait. Et ça, c'était assez fort quand même. Et vous pensez que c'est parce que aussi c'est des photos anciennes? Est-ce que c'est il y a quelque chose de plus évocateur, peut-être justement? C'est vrai que c'est du noir et blanc. Bah, je vais me permettre d'un peu citer Walter Benjamin, mais il y a un rapport avec une image finalement qui, en fait, dès qu'elle n'est pas dans un aspect de reproduction, elle a comme un aura en fait. C'est dans le sens où chaque petite diapositive était unique pour nous. Et du coup, elle avait une valeur qui était complètement différente. Laurent Giordano sur... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les élèves, et comme moi, hein, comme nous, chaque image était nouvelle, en fait. Ça avait ce côté exceptionnel, ce côté trésor hein, qu'on avait entre les mains et que les élèves avaient entre les mains. Ça crée quelque chose, une atmosphère de particulière. Il faut dire aussi que dans le travail qu'on a demandé aux élèves... Alors, il faut... En 6 mois, ils ont travaillé sur 10 images. Tous les mercredis, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça arrive pas beaucoup dans la vie de faire travailler un groupe d'élèves sur seulement 6 images. Hein, mais on leur a donné plusieurs consignes, hein, choisir les 10 qui leur plaisaient, peu importe leurs critères. C'était un choix basé sur l'émotion, l'envie. Bon, il fallait qu'ils rédigent une légende. Il y avait une partie histoire, rédiger une légende, contextualiser. Donc là, ils étaient aussi aidés par des historiens du LABEX qui venaient le mercredi après-midi à tour de rôle au lycée, et puis par nous, et d'écrire, aiguiser un regard sur la lecture de l'image, même des choses assez simples qu'on leur apprend en cours, hein, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, les personnages, voilà, hein, finalement ils devaient rentrer dans l'image. Thank you. sur le port à Patras. Au premier plan, des hommes avec chapeaux et habits occidentaux convergent vers les bords du quai. On remarque aussi un chien, seul être à regarder l'objectif. Au deuxième plan, on peut voir une foule animée en mouvement sur le quai. En arrière-plan, une série de bâtiments se détache, avec une architecture typique des villes portuaires méditerranéennes. Des galeries en arches au rez-de-chaussée, des façades de 2 à 3 étages avec des balcons. La photo se compose de tons assez clairs. En effet, la luminosité du moment est conservée. Elle permet de mettre en valeur les personnages en costume noir et l'espace tout autour. On observe que le regard des hommes du premier plan est orienté vers le point extérieur à la photo, en bordure du quai, tandis que la foule derrière eux s'anime en tous sens. Antoine Saunier, première. Il y avait aussi un récit d'invention par rapport à une des images qu'il souhaitait. Et je me souviens très bien celle qu'avait commentée Gabriel. Hein, c'était une photo de Patras. Alors Gabriel, oui. Oui, donc c'était une photo de Patras. Et ce qu'elle avait d'assez particulier, c'est qu'en fait, sur cette photo, c'était une vue de rue avec énormément de mouvements. Et le seul personnage finalement qui regardait l'objectif, c'était un petit chien qui ressemblait à un chihuahua. Et ça m'a particulièrement marqué parce que je trouvais ça très drôle que finalement c'était le seul qui ait vraiment conscience de l'objectif. Et du coup, j'ai décidé un peu de partir du point de vue de ce personnage-là. J'ai fait un travail d'écriture, je me suis mis à la peau du chien. J'avais un peu joué de l'humour là-dessus. Mais je trouvais ça tellement... c'est qu'à cet instant-là, des années plus tard, on voit le regard de chien qui regardait, je trouvais ça trop drôle. Et du coup, je m'étais basé là-dessus et finalement, j'étais assez content de ce que j'avais fait. Et surtout qu'à l'époque, je voulais vraiment travailler l'écriture et aborder dans un cadre aussi libre, c'était vraiment très agréable, moi ça m'a beaucoup plu. C'était un exercice littéraire aussi, du coup, vous étiez en lien aussi, j'imagine, avec les enseignants de lettres. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était transdisciplinaire, comme on dit. Et puis, en fait, aussi, il faut dire autre chose, c'est que outre le partenariat avec l'enseignement supérieur, il y avait dès le départ le projet de faire une exposition, donc numériser quelques-unes de ces photos sur lesquelles ils avaient travaillé. On ne pouvait pas toutes les numériser parce que ça coûtait cher. Je fais une parenthèse, mais c'est quand même important. J'avais fait une demande de financement auprès de la région Île-de-France que j'avais obtenue. Donc on avait un petit peu de sous. Le rectorat de Paris, pas trop. Puis surtout ensuite le LABEX. Et en fait, les élèves savaient aussi que ça allait faire l'objet d'une exposition et d'un blog. Donc leur travail, il était pour eux, mais il était aussi destiné à être connu et reconnu. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voit encore ici de ces images qui ont été numérisées, tirées en grand, et elles sont toutes magnifiques, hein, ces photos. Écrit d'invention, sur les quais de Patras. Le parfum de cette place est vraiment particulier. Cette odeur humaine, mêlée à celle des étals de poissons et de fruits, l'air marin par une chaleur étouffante, sans oublier le brouhaha continu provoqué par les pas de toutes ces personnes, ainsi que les cris des marchands en train d'agiter leurs poissons comme un prêtre avec sa Bible, toujours accompagné de ces chats qui miaulent à toute heure, ne trouvant rien de mieux que de rôder autour du poissonnier, en espérant la charité de celui-ci. Toutes ces informations que je reçois me font perdre mes repères. Le mouvement perpétuel de cette foule d'hommes chapeautés, avançant d'un pas décidé, n'arrange pas les choses. Ce n'est pas parce que je suis le plus petit de l'esplanade qu'on doit m'ignorer de cette façon. C'est inacceptable de la part d'êtres qui se disent civilisés. Me couper la route si brusquement, c'est comme si j'étais invisible. On sait pourtant tous que sans leur meilleur ami, ils seraient bien perdus. Ah là là, pauvres humains, si égocentriques qu'ils ne prêtent même pas attention à leur environnement. En tant que chien, j'ai tout de même des droits. Une simple considération ne serait pas de trop. Une petite collation de la part de ces trois énergumènes non plus. Si seulement ils pouvaient se comporter avec nous comme avec leurs chats, ces bêtes qui se prennent pour des califes et restent couchées à se pavaner sur le lit toute la journée, alors qu'on nous en interdit purement et simplement l'accès. Quelle injustice pour nous autres, pauvres chiens! En fait, ces plaques de verre, c'est ces petits objets assez précieux finalement pour nous, mais il n'existait que si on les valorisait. Or, pour les projeter, l'appareil pour les projeter, qui était utilisé à l'époque, et qui était d'ailleurs dans une des vitrines d'une des salles du lycée, mais personne s'était, tout le monde s'était demandé à quoi ça servait. Et puis finalement, quand on a fait le lien avec les plaques, on s'est bien rendu compte que c'était l'appareil, mais l'appareil ne fonctionnait plus depuis des décennies. Donc, la façon dont les gens regardaient ces images à l'époque, c'était pas juste prendre la plaque de verre dans la main et regarder, c'était projeter. Nous, nous pouvions plus les projeter à la manière de l'époque. Donc, pour retrouver un nouveau regard, le seul moyen de redonner vie à ces images, c'était bien sûr de les étudier avec les élèves, dans l'enseignement supérieur, etc. Mais du coup, de les numériser, de les imprimer, de les exposer. Et c'est quand même important de signaler ce regard qui était différent sur la manière de projeter ces photos qui avaient été prises il y a longtemps. Il n'y a pas du tout d'appareil qui est susceptible de projeter comme avant, comme à l'époque. L'appareil d'optique de cette période, il y en a des masses sur eBay. Donc ça vaudrait le coup de... Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que maintenant, elles sont diffusées sur Internet, donc c'est une autre forme de projection, mais c'est quand même malgré tout une projection. Elles retrouvent presque leur origine en utilisation. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on les voit, mais il fallait bien qu'elles soient numérisées, qu'elles soient sur Internet pour qu'on les voit ou qu'on les tire sur papier. Mais oui. Alors l'appareil, il en existe et on pourrait s'amuser à faire ça. Mais celui qu'il y avait au lycée ne fonctionnait plus, mais ça m'aurait beaucoup amusé de faire ça. Allez-y, mais ce geste, il avait quand même, je m'en rappelle encore, une certaine valeur dans le sens où on avait du coup les vitres de notre lycée où la lumière passait, parce qu'on n'était pas dans une salle très lumineuse, et on prenait ces photos-là et on les posait contre la lumière comme ça, en train de regarder. Et juste ce geste-là, bah pareil, comme je disais, il apporte un regard complètement différent à une image finalement, ou une image qui devient manipulable. Moi je ne peux pas m'empêcher, si vous voulez, j'ai toujours de l'émotion quand je vois ces photos. Alors sûrement parce que il y a eu la découverte, il y a eu les élèves, il y a eu tout ce qui s'est devenu, mais aussi parce que c'était des photos qui étaient c'était un monde aujourd'hui disparu et elles allaient être destinées à disparaître peut-être aussi. Donc beaucoup d'émotions avec tout ce qui s'est fait là. La femme au pigeon. C'était l'Italie, c'était l'automne, l'humidité de Venise et son eau salée. Une odeur saumâtre envahissait la ville et ses passants, tandis que le froid, tout en enivrant son âme à elle, laissait le soleil illuminer son corps. Un énième dimanche, une autre messe, et pourtant tout était différent. La basilique Saint-Marc, pour se souvenir de lui. Car lui qui rêvait de Venise en avait été privé, par la mort brusque, tragique, mais inévitable, qui nous frappera tous un jour. Ce jour-là, elle y était allée, dans l'espoir de le retrouver, lui, et de se retrouver elle-même. Comme vous avez part aux souffrances, de même aussi vous avez part à la consolation, disait le prêtre. Et ces mots s'attachèrent à elle, comme un remède à tous ces maux. Un nouveau départ, ce qu'elle avait souhaité. Tout comme il l'aurait sûrement voulu pour elle, sa bien-aimée. Evelina Spiewak. Alors Olivier Véron, vous êtes l'historien d'art qui intervient dans cette histoire, hein, parce que on l'a comprise à la fois, voilà, un outil pédagogique, voilà, qui qui va servir aussi à l'enseignement aujourd'hui. C'est aussi un moment de recherche et donc vous êtes sollicité en tant que, j'imagine, spécialiste de l'image. Oui, plutôt. Ouais. Alors moi, j'ai pas du tout le même rapport. Du coup, effectivement, il n'y a pas d'émotionnel dans mon rapport à ces images-là. Moi, je me suis un peu placé en chercheur qui regarde de loin et qui essaie d'analyser à la fois le contenu général et aussi de regarder quel est le message transmis plaque après plaque. Alors, vous avez travaillé, vous, sur un échantillon Pour l'instant, oui. En fait, le but du LabEx, je crois qu'à la fin, c'est d'analyser le plus d'images possible. Je pense que là, sur les à peu près 2000, son but ultime, ça serait peut-être, je sais pas, 1500, 1000, enfin, quelque chose qui soit assez représentatif. Parce qu'effectivement, chaque image est très importante. Elle est porteuse d'un message. Elles ont été constituées à partir de la fin du 19e, début 20e. Et dans ce cadre-là, elles sont très représentatives de la société et puis aussi des méthodes pédagogiques qui avaient cours en France. Et des méthodes photographiques, parce que vous êtes spécialiste de l'image. Donc, est-ce que vous, à travers cette manière de photographier, pour effectivement, évidemment, des objectifs pédagogiques, mais il n'empêche, ça veut dire que la maison d'édition a envoyé des explorateurs voyageurs faire le tour du monde pour faire ces images. Alors, du coup, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est assez complexe. Il y a deux maisons d'édition, Molteni, il y a Radiga et Massio. Ces deux maisons d'édition, en fait, récoltent des images de photographes qui ne sont pas forcément français, d'ailleurs, qui sont des photographies qui ont été versées, en fait, à la BNF. Et ces deux maisons d'édition façonnent des catalogues qui sont faits pour, effectivement, les conférences, pour les écoles à la fin du 19e. Et chaque école, chaque société, chaque association achète des photographies, ici des plaques de verre, pour servir à la projection. C'est vrai que du coup, c'est aussi des correspondants et des amateurs, les photographes. Donc, ce qui explique, par exemple, quand on voit la couverture sélectionnée par notre éditrice Sonia Bledniak pour l'agenda du LabEx, à partir d'une plaque du fonds Colbert, on a un homme qui pose sur un dolmen. Donc, c'est étonnant, ça interpelle en se disant, si ces plaques ont un usage pédagogique, comment ça se fait qu'on se retrouve à avoir des sortes de poses, en fait, qui sont plus réservées à un usage personnel que véritablement didactique? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'une partie des plaques est en fait issue de collections privées ou même aussi d'ailleurs de ce qui deviendrait des cartes postales. Mais vous dites que c'est un fonds qui était a priori à la BNF. Chaque photographie doit être versée au dépôt légal. Voilà. Donc Molteni, qui est une très ancienne maison d'édition, effectivement, achète les droits et reproduit les photographies en série. Effectivement, l'établissement Colbert, visiblement, qui était à l'époque l'école supérieure primaire Colbert, a fait une sélection au fur et à mesure. Elle a comme ça amassé un ensemble photographique qui est énorme. Effectivement, c'est un fonds qui est assez spectaculaire du point de vue de la quantité et puis du point de vue aussi de... Alors, pas de la qualité des images, parce que moi, je me place pas comme ça, mais plutôt de... je sais pas comment dire... L'aspect considérable du fond qui est quasiment une sorte de vision exhaustive du monde. En tout cas, c'est la manière dont elle a voulu être constituée. Laurent Giordano ? Oui, parce qu'en fait, cette école, enfin Colbert, ce lycée Colbert aujourd'hui, c'était une école municipale. Mais il y avait eu un professeur d'histoire et de lettres qui s'appelait donc Auguste Bessou. Et qui travaillait dans cette école Colbert au début du XXe siècle. Et lui, il avait innové dans la pédagogie par l'image. Donc, on peut supposer qu'il a fait acheter peut-être ce fonds par l'école municipale. Je ne sais pas très bien. Mais en tous les cas, c'était aussi étonnant de voir qu'un professeur s'entend un siècle auparavant. Mais lui, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Et ensuite, cet Auguste Bessou... il a été appelé au ministère de l'instruction publique pendant la guerre, puis ensuite il a participé à des commissions, il a fait des rapports tout autour donc de la question d'utiliser l'image fixe ou ensuite le cinéma pour la pédagogie auprès des élèves. Ouais. Donc c'était ça, c'est la raison pour laquelle il y avait ces images, ces plaques dans cet établissement. Oui, alors on sait, enfin vous avez, enfin travailler évidemment un peu le sujet pour montrer aussi que, en rapport avec ça, il y a aussi la question de l'éducation populaire au même moment. Enfin, c'est très lié. Et on fait donc des cours un peu collectifs, justement. C'est peut-être plus facile aussi grâce à l'image que l'on projette. Hein, on peut imaginer ça. Je ne sais pas, peut-être Clyde Plumosi. Sur ce point, c'est vrai que c'est ça qui est assez génialissime quand on voit ce fond, c'est que on a la possibilité de comprendre, on est à la convergence d'une innovation technique, c'est l'invention des projections lumineuses dans le courant du second 19e siècle, c'est la démocratisation des savoirs et la multiplication de ces sociétés savantes d'éducation populaire qui mettent en place des nouveaux moyens didactiques d'apprentissage, dont la pédagogie par l'image. Et c'est effectivement cette invitation au voyage qui est très présente dans le fond Colbert, qui témoigne aussi de cette volonté d'ouvrir de nouveaux horizons de découverte aux personnes, aux auditeurs et spectateurs, effectivement, de ces conférences. Et ce qui était très important pour nous dans le cadre du LABEX EHNE, c'était cette convergence entre nous, ce qu'on essaye de promouvoir autour de cette histoire nouvelle de l'Europe, qui est une approche multimédia. On a un partenariat avec l'INA, par exemple. On met en valeur des fonds photographiques. Il y a le fonds Colbert, bien sûr. Il y a aussi un fonds chambriste d'un diplomate, afin de renouveler notre vision de ce qui fait Europe par l'image. Et c'est exactement ce qui se joue aussi dans la constitution de ce fonds, plus d'un siècle auparavant, et dont témoignent ces archives. Donc nous, on a ce dialogue qu'on mène de l'école à l'université autour des usages multimédia de l'histoire européenne. Je suis parti, oh quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes, elles sont belles et fidèles, et je suis devenu l'ami d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélaoli. Je suis copé d'une petite, c'est une Anna, une anamite, elle est petite, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tantiquinoise. Il y en a d'autres qui font les doux yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Soir en cause d'un tas de choses, avant de se mettre au vieux, j'apprends la géographie de la Chine et de la Mandchourie, les rivières, les frontières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, car ose l'empire du milieu. Je suis copé d'une petite, c'est une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tantiquinoise. Il y en a d'autres qui me font les doux yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Mais tout passe et tout casse, en France je dus rentrer. J'avais le cœur plein de tristesse de quitter ma chère maîtresse. L'âme en peine, ma petite reine, était venue m'accompagner. Mais avant de nous séparer, je lui dis sans un baiser. Ne pleure pas si je te quitte, petite Anna, petite anamite. Tu m'as donné ta tendresse, ton amour et tes caresses. Car t'étais ma petite bourgeoise, ma tantiquinoise. Dans mon cœur, je garderai toujours le souvenir de nos amours. Alors, vous l'avez exploré, enfin, vous n'avez pas terminé, hein, ce fond. Juste, alors, on a compris, il y a des photos, alors vous dites de la France, mais pas forcément de Paris. Donc ça, c'est au niveau des lieux, de l'étranger, d'autres continents, de l'Europe, mais aussi de l'Asie. Point important, il y a pas mal de photos des colonies. Alors ça aussi, bah, on est fin 19e, début 20e, voilà, c'est la promotion aussi de l'Empire colonial. français. Ça, c'est un aspect très, très important du fonds. Il faut savoir effectivement 50% des plaques, plus ou moins, sont France et colonies, mais que les prolongements coloniaux de la France sont véritablement mis au devant dans l'économie générale du fonds Colbert. Et pour le coup, on parlait effectivement de pouvoir accéder à cette vision du monde à un instant donné, donc au tournant 19e, 20e siècle. Et là, pour le coup, on voit à quel point les empires européens, justement, se pensent comme empire et ne peuvent s'imaginer sans se projeter dans leur prolongement coloniaux. Et puis alors là, pour le coup, je vais laisser parler Olivier et Laurence sur ce point-là, mais c'est vrai que on a une approche très stylisée de la colonisation par des portraits à la limite de l'anthropologie des ethnies colonisées. Et autant dès qu'on est en Europe, les individus sont habillés, autant dès qu'on franchit les frontières, ils sont étonnamment dénudés. Donc ça, voilà, ça pose tout un tas de questions sur comment on voit à cette époque-là le monde quand on est français, européen. Et comment on veut le représenter aussi. Et comment on le représente, exactement. Olivier Véron, sur cette représentation, par exemple, des colonies à ce moment-là. C'est vrai que cette question est assez complexe. Déjà, au regard des plaques, effectivement, il fallait les contextualiser parce que les verser comme ça, c'était auprès du public, c'était difficile. Surtout que certains titres étaient assez crus. Je me souviens d'une plaque négresse sans élégance, qu'il fallait effectivement se réapproprier et réinterpréter selon notre regard. Alors effectivement, le titre qu'on lui a donné, je ne sais plus lequel c'est, qui est beaucoup moins cru, il sera dépassé dans 10 ans, dans 20 ans, comme ces plaques le sont pour nous. Et c'est vrai, il y a des portraits anthropologiques qui sont, par exemple, des portraits d'hommes, de femmes qui sont placé devant des draps blancs, c'est une vision qui se rapproche de l'anthropométrie, etc. Mmh. Avec des caractéristiques comme, des tatouages de néo-calédoniens, etc. Il y a après des visions qui sont des visions, effectivement, comme disait Clyde, stylisées, qui sont réinterprétées par le biais de la peinture. Par exemple, j'ai une photographie qui s'appelle Mauresque. Et finalement, c'est une Algérienne dans la position, par exemple, des femmes d'Alger de Delacroix. C'est-à-dire avec tous les attributs, cette espèce d'orientalisme un peu sulfureux, le narguilé, la théière, qui n'est pas nu, mais qui suggère effectivement un érotisme oriental. Toutes les idées reçues un peu sur... C'est voilà. Ça. Ouais. Effectivement, c'est étonnant de voir ça en photographie à la fin du 19e, parce qu'elle doit dater des années 80, peut-être même 90. Alors que les femmes d'Alger, c'est 1830. 70 ans, c'est énorme, même pour le 19e. Et d'autres types de photographies, ce sont les photographies qui sont plutôt régionalistes, mais qui sont équivalentes au cas français. Par exemple, la France développe un peu ses visions édulcorées des régions. Par exemple, on peut voir des femmes bretonnes qui sont dans leur costume et au bord d'une rivière avec un petit paysage assez idyllique, et qui représente le monde français, fin du 19e déjà, pas considéré comme amené à disparaître, mais qui est remis en valeur, en tout cas. Et on retrouve la même chose au niveau des colonies, mais avec effectivement cette notion d'exotisme, d'élément exogène, et qui est fait pour attirer la curiosité, mais aussi les savoirs, les connaissances, puisqu'effectivement ces photographies sont utilisées pour des conférences, et là, dans le lycée Colbert, pour les cours. D'ailleurs, je voulais revenir juste sur le fond, parce qu'effectivement, je pensais à la base aussi du lycée Colbert. Le lycée Colbert a été réformé en 1868, et dès 1868, place un directeur qui s'appelle Henri Faucillon, et qui est lui aussi un grand, grand promoteur de l'instruction par l'œil, l'enseignement par l'œil, par l'image. Il fait partie de la commission pédagogique de 1878, je crois, dans laquelle on préconise l'image, la projection, à des fins pédagogiques. Lui est dans cette commission-là, et effectivement, il fait un rapport sur l'apport de l'image dans les écoles supérieures, municipales, surtout, effectivement. Le fonds lui-même doit effectivement être acquis à partir des années 80. C'est un fonds qui s'échelonne sur 30 ans, 1880-1910. On ne connaît pas tellement l'historique du fonds. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il soit conservé au lycée Colbert, qui est lui-même un lycée de la Nouvelle Réforme avec son directeur Faucillon, lui-même grand réformateur de l'enseignement, c'est un fait patrimonial assez important. Du coup, ces collections, effectivement, sont capitales pour l'étude de l'enseignement à la fin du 19e, celui dont on a hérité, puisque, effectivement, après les plaques de verre qui ont été amenées rapidement à l'obsolescence, c'est les diapositives et maintenant les slides. Enfin, l'enseignement par l'image, finalement, à partir des années 80, c'est très, très important. D'ailleurs, pour Faucillon, l'image, surtout les images de pays extra-européens, c'est une sorte de connaissance empirique de voyage réalisé par le biais de l'image. Par procuration, du coup. Par procuration, c'est ça. À travers l'enseignement, quand même, toujours. Parce qu'il y a la vocation pédagogique, alors bon. Alors oui, après le fond de l'enseignement, on ne le connaît pas. Enfin, moi, je ne le connais pas, on n'a pas de traces. Moi, je n'ai pas trouvé de traces. Laurent Giordano, ouais, sur l'éventuel usage de ces plaques. En fait, on était aussi allé au musée de l'éducation à Rouen. Et avec quelques chercheurs de l'HENE. Et on s'est rendu compte, quand on a rencontré la conservatrice, qu'il y avait des photos qui étaient identiques à celles qu'il y avait dans le fond du musée de l'éducation. Elle disait qu'en fait, il y avait des fiches qui accompagnaient à l'origine ces photos. Ces fiches, elles n'étaient plus au lycée Colbert. Est-ce qu'elles ont, certainement disparu, jetées, hein, parmi d'autres choses. C'est une hypothèse qui semble vraisemblable parce que des plaques de verre avec des boîtes comme ça qui existaient au musée d'éducation Rouen, là, il y avait des fiches. Enfin, il en restait quelques-unes ou, voilà. Donc, ça doit être ça qui se passait et c'était à la fois, évidemment, un outil pédagogique. Mais vraisemblablement, c'était évidemment pour montrer la grandeur de l'Empire français sur tous les continents, etc. À l'époque. À l'époque. Ouais. Dans ce fond, Il y a aussi énormément de clichés, de lieux de pouvoir, qu'ils soient actuels, c'est-à-dire contemporains du moment où ont été faites ces photos, voilà, fin 19e, début 20e siècle, ou qu'ils soient anciens, patrimoniaux, des châteaux, des palais, j'imagine. Hein, donc on est là aussi dans l'optique d'enseignement. Donc est-ce que c'est pour ça qu'on choisit aussi ces plaques et ces photographies? Oui, alors c'est toujours un peu complexe parce que effectivement une photographie, alors c'est pas mon mot, mais moi je le réutilise facilement. Une photographie, c'est comme une boule à neige, c'est-à-dire que ça montre une partie de la réalité, mais ça la coupe de la réalité effectivement. D'ailleurs, l'exemple le plus flagrant, c'est, je crois que c'est le château de Saint-Ange, une photographie du château de Saint-Ange, sur laquelle le fond a été entièrement gratté. Et effectivement, le fait que le fond soit gratté, ça isole complètement le bâtiment, qui est vu comme un bâtiment antique, du coup, coupé de sa contemporanéité. Claude Plumosil, par rapport à cette idée donc, de ce qui est photographié, et peut-être des lieux de pouvoir ou des choses Ce qui est effectivement frappant, c'est qu'en fait, on a une approche par les lieux de mémoire européens dans ce fond, enfin les lieux de mémoire de l'Europe et puis les lieux de mémoire pour la France aussi. Et donc, on s'intéresse à ce bâti où se noue et se cristallise l'identité française, européenne, coloniale. Et c'est notamment assez symptomatique dans toutes ces images de ponts qu'il peut y avoir, qui renvoie donc à l'infrastructure d'un pays, mais aussi à des espaces frontaliers, à des espaces de conflit, à des espaces où se marque le territoire et où du coup se dessinent ses frontières et aussi son identité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très prégnant dans le fond. Et là, est-ce que vous pensez, Clyde Plumosil, que on serait pas très loin non plus de la guerre de 14-18? Enfin, on est quand même cette fin 19e, la Prusse. On est en plein dans ces histoires de frontières. Tout ça est très vif. Alors, est-ce que c'est dû à ça? Alors, je pense qu'on a un étudiant là de l'université de Nanterre qui se lance dans un travail de recherche sur le fond Colbert pour étudier le nationalisme pédagogique dans la photographie. Et je crois effectivement que quelque chose se joue dans ce fond et que j'ai hâte de voir le résultat de ce travail. Je pense que... En tous les cas, vous, Claude Plumosil, en tant que chercheuse de ce LABEX sur les sociétés européennes, une autre histoire de l'Europe, c'est une des problématiques que vous avez envie aussi de traiter. Oui, effectivement, nous, ce qui est central, c'est de comprendre ce qui fait Europe. Pas dans l'invention d'un passé mythifié, mais de comprendre comment les gens se sont positionnés à un moment donné pour se définir comme européens ou alors pour construire des liens transfrontaliers à dimension européenne qui permettent donc de fabriquer à un moment donné des communautés européennes, qu'elles soient imaginaires ou matérielles, voilà, économiques, politiques, culturelles, etc. Et donc, pour nous, dont un des projets centraux, c'est de permettre une histoire de l'Europe qui sorte simplement de ces cadres institutionnels, qui sortent de l'histoire bataille, qui sortent de l'histoire des grands hommes, mais qui permettent de comprendre des fils rouges et des problématiques qui participent de ce façonnement de ce qu'est l'Europe. Ce genre de fond est d'une richesse. Voilà. Bah oui, à un moment donné, donc en plus au moment où il a été constitué, évidemment. Voilà. Olivier Véran, vous voulez rajouter quelque chose sur... La dimension nationale, effectivement, est très très présente. Je crois même que c'est finalement le thème central de cet ensemble. Puisque tout est effectivement vu à travers la France et puis l'enseignement français. Donc, vous parliez tout à l'heure de lieux de pouvoir. C'est vrai que effectivement ils sont montrés, mais ils sont plus analysés comme des zones encore une fois extranationales, parfois même comme des régions plutôt pittoresques, plutôt par exemple le Kremlin de Moscou, c'est Moscou et c'est dômes bulbeux, enfin ses couleurs pastel et son or. C'est plutôt le français en voyage. Et d'ailleurs, Beaucoup de villes sont en fait des sortes de clichés. Alors, de clichés comme la forme figurative, c'est le pont des soupirs à Venise, etc. C'est une image un peu idéalisée de ce qu'est le monde extra-national, extra-français. Et Laurent Giordano, vous vouliez ajouter quelque chose aussi, je crois. Oui. Oui, je voulais ajouter le fait que ça nous donne un regard quand même aussi sur une Europe qui n'a plus existé, puisqu'ensuite il y a eu la guerre. C'est-à-dire que, notamment toute la zone, tous les fronts de la guerre, le nord-est de la France, a été évidemment bouleversé par les tranchées et la Première Guerre mondiale. Et donc là, on avait accès avec les élèves à une Europe d'avant la guerre, c'est-à-dire qui ensuite a disparu, qui n'était plus la même. L'Europe de la belle époque, et ça, c'était quand même important pour comme enseignant, comme chercheuse aussi. Et pour les élèves, pour voir comment les mondes se transforment. Ouais. Clyde, voilà, pour peut-être pour plaques, par exemple, comme Dunkerque ou sur Cologne, qui maintenant sont des paysages qui n'existent plus. Donc voilà, on a ces traces qui sont laissées par le fonds Colbert. Ce qui nous a particulièrement frappé avec le fonds Colbert, c'est aussi l'importance de la dimension polysémique des images. Il faut savoir, nous, que dans le cadre du LABEX, donc on a sept axes qui travaillent chacune des problématiques de l'Europe, le genre, la guerre, les sciences, l'histoire de l'art, l'épistémologie du politique, l'humanisme, voilà, etc. Et que par rapport à ça, on était frappé de voir à quel point chaque image pouvait être le lieu d'une discussion plurielle, qui engage autant la façon dont on voit le monde, que la façon dont sont construits alors les rapports de genre, les rapports de classe, les rapports de race, puisqu'on voit qu'il y a d'importants clichés sur les espaces coloniaux, et ça nous a particulièrement interpellés. Et donc vous avez du travail en fait, hein. C'est très riche du coup comme fond, c'est extrêmement riche. C'est très riche, et c'est pour ça que notamment Olivier Véron va coordonner une journée d'études sur ce fond en juin pour poursuivre un peu ce dialogue autour des potentialités offertes par le fonds Colbert. Thank you.